n'est pas loup Shakespeare. Shakespeare est pire encore. La seule chose qui m'attire, c'est la chambre de l'or. À bord de ton navire, quand nous prenons la mer, je tangue et je chavire. J'ai le ciel en haut, j'ai le ciel en bas, j'ai le ciel à l'envers. Je ne sais rien de ce Hamlet qui veut être ou bien ne pas être. Tu parles de m'apprivoiser, j'y songerai cet été. J'aimerais mieux perdre la tête dans la langue de ma bête. En anglais, never heard of Shakespeare, but Shakespeare est pire encore. La seule chose qui m'a j'expire.